mercredi 25 novembre 2015. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Au programme, notre tête chercheuse de la semaine est Toby Nathan, ethnopsychiatre, écrivain. Et depuis lundi, il nous parle du sens des mots à trouver après le choc et les remèdes qu'il faut rechercher. Dans un instant, le troisième épisode avec l'exemple de la Guinée. Et puis en deuxième partie, cinéma avec un film qui sort aujourd'hui, un film d'Ottar Yoseliani, un film qui traverse les moments de terreur et de guerre, mais qui ne renonce pas à la poésie, à l'amitié, à l'amour. Chant d'hiver, c'est le titre de ce film. Je reçois son comédien principal, Rufus, aux alentours de 6h20. Et finalement, il y a eu un truc très très étrange qui s'est passé, qui m'a beaucoup touché, c'est que les gens ont choisi autre chose. C'était ni la peur, ni la haine, c'était une autre façon d'être. Un autre jour est possible, émission réalisée par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Bastien Varigaud et préparée en compagnie de Anaïs Isbert et Pascaline Benet. Tout de suite, tête chercheuse. Après le choc, trouver les mots, chercher les remèdes. Bonjour Toby Nathan. Bonjour. Et aujourd'hui, troisième épisode, l'exemple de la Guinée. Pourquoi avez-vous choisi cet exemple précisément? Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? Moi, j'ai choisi parce que je le connais. Hein. Je veux dire, il y a des choses semblables qui se sont produites ailleurs. Hein. Je le connais, j'étais en poste à ce moment-là en Guinée. J'étais conseiller de coopération et d'action culturelle à ce moment-là. En quelle année? En 2009, entre 2009 et 2011. Et je suis arrivé en Guinée le 2 septembre 2009. Et le 28 septembre, donc quelques jours après que je sois arrivé, quelques semaines après que je sois arrivé, il y a eu un massacre terrifiant dans le stade qui s'appelle justement le stade du 28 septembre. C'est étonnant, hein. Et c'était le 28 septembre et le massacre a eu lieu dans le stade qu'on appelle le stade du 28 septembre. Je vais revenir sur cette affaire parce que sur l'histoire des mots, quoi. Pourquoi ça s'est passé le 28 septembre, dans le stade du 28 septembre. D'abord, pour vous donner l'ambiance générale, à la mort de Lansana Conté, un militaire a pris le pouvoir. Lansana Conté était un militaire aussi. Et un militaire a pris le pouvoir, mais un militaire inconnu. On ne savait pas qui c'était. Il s'appelle Moussa Dadis Camara. Il a pris le pouvoir, on ne sait pas comment. Et tout d'un coup, il est apparu à la télévision et il a dit « Je viens moraliser le pays, je viens nettoyer le pays de toutes les corruptions et ensuite, je remettrai le pouvoir aux civils. » C'est ça qu'il a dit à la télévision. On l'a cru. Le peuple l'a cru. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Le peuple l'a cru. Et il a commencé à gérer le pays et on s'est rendu compte que c'était pire qu'avant, quoi. Et moi, quand je suis arrivé, la première chose qui m'a étonné en Guinée, c'est que le peuple était racketté. C'est-à-dire qu'à tous les coins de rue, il y avait des militaires avec des bérets rouges qui arrêtaient les voitures et qui commençaient à les fouiller pour rien. Juste pour prélever une dîme, quoi, un passage, en fait. Mais c'était tous les coins de rue. Hein, et c'était vraiment racketter le peuple, en fait. Hein, et c'était l'ambiance, en fait, qu'il y avait dans ce pays. Et puis, à un moment donné, alors que Dadis, le président, s'était engagé à ne pas se représenter, en tant que à la présidence, à un moment donné, il a laissé entendre qu'il se présenterait et que donc les élections seraient truquées forcément et qu'il passerait. À ce moment-là, l'opposition, regroupée dans une assemblée, en fait, toutes les partis d'opposition... Une coalition, donc. Une coalition, qui s'appelait les Forces Vives, ont décrété un meeting le 28 septembre. Et dans un premier temps, le meeting était autorisé. Puis... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du président. Tout d'un coup, il a compris que le 28 septembre, on ne pouvait pas laisser faire ça le 28 septembre. Parce que le 28 septembre, c'est la date précise à laquelle Sékou Touré a dit non au président, à Charles de Gaulle, en fait, au président de Gaulle. Donc une date hautement symbolique. Ben oui, c'est-à-dire c'est le moment où la Guinée a pris son indépendance. Parce que la Guinée est je crois que c'est le seul pays africain qui a pris son indépendance elle-même. À qui on n'a pas octroyé l'indépendance. Ils l'ont prise eux-mêmes, puisque Sékou Touré, quand De Gaulle lui a proposé de faire partie de la communauté française, a dit non, nous voulons être notre indépendance tout de suite. Et comme De Gaulle s'était engagé à faire ce que le peuple allait décider, et il s'est retiré, en fait. Hein, la France s'est retirée de Guinée. Donc, c'était le 28 septembre. Et donc, il y a eu un stade qui s'est, pour commémorer cette date, s'appelait le 28 septembre. Le 28 septembre, c'est le moment où Sékou Touré a dit non à De Gaulle. Et le 28 septembre, ça allait être le moment où les forces vives allaient dire non à Dadis, en fait. Voilà ce qui est le contexte. Arrive le 28 septembre, le meeting des forces vives commence à se dérouler. Puis à un moment donné, entrent dans le stade les militaires et les gendarmes en habit militaire, avec mitraillette au poing, et commencent à tirer sur la foule. Ils ont tiré sur, sans sommation, ils ont tiré sur la foule. Ils ont tiré sur les leaders aussi de l'opposition. Et les gens ont commencé, ils ont fermé les portes du stade aussi. Les gens ne pouvaient même pas s'échapper, en fait. Ce qui s'est passé au Bataclan, moi, ce que ça m'a évoqué, c'est ça. Hein. Et donc là, les gens devenaient comme fous. Ils essayaient de s'échapper par tous les moyens. Ils sautaient par-dessus les murs. Ils étaient poursuivis. Les femmes ont été violées, mais des dizaines. Je crois qu'il y a eu 150 femmes violées. Il y a eu 200 morts durant ces massacres et 2000 blessés. Quelque chose qui a été terrible. On sait très bien ce qui se passait. Hein. On sait, je veux dire, là aussi, on connaît l'intention, quoi. C'est-à-dire, des massacres, il y en avait eu en Guinée avant ça. Mais là, c'était vraiment un message direct adressé à une population déterminée, les Peuls de Guinée. Dadis Camara leur disait, « Ah, vous voulez faire les malins? Vous croyez que vous allez prendre le pouvoir? Eh bien, je vais vous mater, moi. » Et il a envoyé sa troupe faire un massacre. On a su après que le massacre était programmé, que les viols avaient été programmés. On a donné du Viagra aux militaires pour qu'ils puissent commettre le maximum de viols. Donc tout ça était programmé, était pensé. Il y avait une intention derrière. Et quand les choses se sont passées, les gens ont essayé de s'échapper par tous les moyens. Moi, j'habitais pas loin du stade, hein. Je les ai vus, les gens errer après ces événements. J'étais pas dans le stade, mais j'étais pas loin et j'ai vu les gens qui sortaient du stade, qui s'échappaient du stade, qui s'échappaient en courant du stade, quoi. Et ensuite, ça a duré des mois, ça dure encore. Je veux dire, les conséquences de cet acte durent encore. Dadis, après, il a perdu le pouvoir de manière violente, d'ailleurs, bon, enfin, etc. Mais les choses sont plus ou moins rentrées dans l'ordre, mais les séquelles sont encore présentes aujourd'hui. Alors je voudrais parler de ce moment de terreur qui a succédé à ces événements et de la façon dont les gens certains lieux qui sont des lieux exceptionnels ont réussi à s'occuper des survivants, en fait, et dans quel état ils étaient, ces survivants. Ce sont des gens qui ont été victimes d'une terreur qui n'était pas seulement le moment du stade, c'est que c'était préparé avant. C'était une population qui était ciblée, en fait, hein, et qui ensuite était poursuivie. C'est-à-dire ceux qui s'étaient échappés du stade, eh bien, on les avait reconnus, on les avait repérés. Et ils étaient traqués. Et ils étaient traqués, en fait, parce que c'était des témoins. Alors, il s'est passé plusieurs choses après ça. On peut dire que ces gens-là sont venus dans une clinique qui était une clinique absolument exceptionnelle. C'est pour ça que je disais que c'était exceptionnel. C'était tenu par un toubib qui s'appelle le docteur Baldé, Ibrahim Baldé, qui était un homme d'un dévouement sans borne. Il faut des gens comme ça, hein. Pour ces choses-là, il faut des gens comme ça. Sinon, on peut rien faire, quoi. Et qui a ouvert sa clinique, a essayé d'accueillir les gens pour les soigner physiquement, et qui a demandé notre aide. Moi, j'étais là, pas pour ça du tout, hein. J'étais à l'ambassade à ce moment-là. Vous étiez diplomate français. J'étais diplomate français, ouais. À ce moment-là. Et je suis quand même allé aider, parce qu'il y avait une urgence, quoi. Et on s'est occupé de des gens qui venaient. Aider en tant qu'ethnopsychiatre ? En tant que psy, je conseillais les gens. Qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi ? En tant que psy. Ethnopsie, c'est forcément de l'ethnopsie. C'est-à-dire, il faut dire aussi que la Guinée, au moment où j'y étais, il y avait deux psychiatres pour 10 millions d'habitants. Pour tout le pays, deux psychiatres. Aucun psychologue. Il n'y a pas de psychologue en Guinée. Enfin, à l'époque, je crois que ça a un peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, c'est pas vieux, hein, c'est il y a 6 ans, hein, en fait. Hein, et bien, il n'y avait pas de psychologue parce que la psychologie n'était pas enseignée à l'université depuis les années 60, en fait. Et donc, il y avait une situation de manque absolu, de besoin total. Donc, vous ne pouvez pas être là et rien faire, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai aidé un peu. Plus d'autres personnes de mon entourage, il y avait 2 personnes qui étaient psy aussi et qui sont venues aider aussi. Et on a reçu les gens et on a recueilli les récits, quoi, de ce qui s'est passé. Et je peux rapporter 2 récits qui m'ont impressionné, quoi. Le premier, c'est la terreur qu'ils ont subie à ce moment-là a agi comme une décérébration, en fait, hein. Parce que il y a eu un moment de terreur terrible. Il y a eu ceux qui se sont échappés. Mais ils se sont échappés et ils se sont pas échappés, en fait. Ils se sont échappés et ils étaient toujours pris, en fait. Ils étaient capturés par ce moment de terreur. Ils ne pouvaient plus penser qu'à ça, ils ne dormaient plus, ils ne pouvaient plus travailler. Ils étaient perclus de douleur et ils avaient des tas d'autres symptômes. Pour les hommes. Quant aux femmes, celles qui avaient été violées ne pouvaient pas rentrer chez elles, hein. Parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer chez elles et dire à leur mari qu'elles avaient été violées. Elles auraient été renvoyées de chez elles. Hein. Donc elles ne pouvaient pas rentrer. Et en même temps, elles ne pouvaient pas aller ailleurs. Parce qu'elles étaient poursuivies. Les soldats avaient piqué. La première chose qu'ils faisaient, c'était piquer les téléphones. Après, ils avaient le téléphone de la femme et ils la retrouvaient à partir de son téléphone. Donc c'était une situation qui était une situation épouvantable, en fait. Alors, je me souviens d'un cas, d'un jeune homme qui était allé au stade avec son frère, en fait. Son frère qui était un diaspo, comme on disait, un Guinéen émigré aux États-Unis. Et donc, il était revenu pour voir la famille. Il dit, viens avec moi, on va aller à un meeting. Ils y vont tous les deux. Et puis, et à un moment donné, quand ils voient tirer partout, ils essayent de s'enfuir, ils essayent de grimper le mur. Le grand commence, le petit frère le suit, et le grand tout d'un coup s'effondre. Il avait reçu une balle de Kalach et était mort sur le coup. Et donc le petit recueille le corps de son frère dans les bras, ne peut pas le transporter, il est trop lourd. S'il veut s'enfuir, il faut qu'il le lâche là. Il s'enfuit, il parvient à s'échapper. Et après ça, quand nous le voyons à la consultation, il est dans un état, il est complètement paralysé de terreur, de remords aussi, de remords absurdes, simplement parce qu'il a dit à son frère, tu veux pas qu'on aille ensemble au meeting, quoi. C'est tout ce qu'il a fait, il a pas d'autre responsabilité là-dedans. Et il était devenu un paralysé de l'existence, en fait, hein. Et donc, on a repris les choses, il y a une théorie derrière, hein. Moi, je pense que la terreur produit encore plus de séparation d'avec nos attaches. Et donc, soigner la douleur, c'est rétablir les attachements. Alors, j'ai dit, je veux te voir avec ton oncle. Je veux te voir avec les anciens. Viens avec ta famille. Il faut rétablir les attachements. Et puis les attachements plus symboliques, plus profonds. Est-ce que tu es rentré au village? Est-ce que tu as fait les sacrifices pour retirer la souillure? Parce qu'un mort, du sang sur soi, c'est une souillure. Il faut nettoyer la souillure. Il faut faire des sacrifices pour enlever la souillure. Tous ces actes qui sont des actes symboliques, en fait, rétablissent la connexion avec l'environnement. On n'est plus ce que la terreur veut faire de nous, c'est-à-dire une espèce de monade qui n'a plus de lien avec rien. C'est ça que fait la terreur de nous. Et donc, moi, je me souviens d'avoir invité, encouragé l'établissement de connexion. Quand finalement, ils ont accepté de faire les 2 sacrifices, un pour le frère mort et un pour le survivant, 2 sacrifices, 2 moutons, en fait. Bon, c'était les détails de la culture qui est des Guinéens, en fait, des peuls de Guinée. C'était un noir et blanc pour le frère mort, un rouge pour le frère survivant. Quand ils ont fait ça et qu'ils sont revenus du village, eh bien, on peut pas dire qu'il sautait de joie, mais il a pu reprendre une activité et se réinsérer dans le monde social, en fait. Qu'est-ce que vous venez de dire par là, Toby Nathan, qu'il faudrait tout de suite traiter quelqu'un qui a subi un choc dû à une terreur? Oui, il faut le traiter le plus vite possible, et il faut le traiter en activant des liens, en les activant, en les rendant plus présents, en fait. Après le choc, trouver les mots, chercher les remèdes avec Toby Nathan toute cette semaine en première partie d'Un autre jour est possible. On se retrouve demain, Toby Nathan. Avec plaisir. Pour parler, pour se poser la question, existe-t-il vraiment des méthodes psychothérapiques contre la terreur? À demain. À demain. Cinéma maintenant avec un film, le dernier film de Tahar Yousalyani, Chant d'hiver, que j'ai vu il y a deux semaines. Il y a deux semaines, c'était donc avant les tragiques et sanglants événements qui ont ensanglanté Paris. Ce film était plutôt un film poétique qui parle du sens de la vie, du sens qu'on doit donner à la vie après avoir traversé des moments aussi durs que la terreur, la guerre. Et l'entretien que j'avais eu à l'issue de la projection avec Refus était un entretien qui était plutôt axé sur la poésie. Donc, dans un instant, sur France Culture, la diffusion de cet entretien de Refus, comédien qui joue le rôle principal, je devrais même dire les rôles principaux dans ce film de son ami Tahar Yousalyani, interview donc réalisée avant le vendredi 13. Bonjour Toufik. Toutes les raisons sont bonnes pour vous recevoir. Celle-ci en particulier, la semaine prochaine, vous êtes au cinéma dans le dernier film de Tahar Yousalyani, Chant d'hiver. Alors au début, on a très peur, hein, parce que dès la première séquence, on a l'impression que vous allez avoir un tout petit rôle. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on retrouve la magie, et un peu le bordel d'ailleurs, de ce réalisateur géorgien installé en France depuis le début des années 80. Chant d'hiver est un film en trois chapitres, trois époques, avec des guillotinés et des vivants, un aumônier tatoué, un clochard céleste, une gardienne cultivée, mais qui est également dans le trafic d'armes, des contes de la condition humaine, comme c'est souvent le cas dans le cinéma de Tahar Yousalyani, et vous, Refus, personnage central du film. Vous êtes un ex-aristo devenu concierge à Paris. Mais pas seulement, vous êtes aussi un fin lettré qui collectionne des livres rares et qui s'adonne à un trafic d'armes redoutables. Comment ça s'est passé quand on vous a proposé ce rôle, Refus? Oui, c'est ça, il échange des bazookas contre des bouquins. Oui. C'est bon signe. Ben plutôt, oui. C'est ça, oui. Et là, je joue aussi ce prêtre. Alors, vous me posiez la question, qu'est-ce que c'est que ce prêtre? Oui, il y avait dans les prisons russes des gars qui avaient des longues peines, et le KGB venait les voir en leur disant, bon, ou tu restes 20 ans là-dedans, ou bien tu te laisses pousser une barbe, on t'apprend 2-3 trucs de liturgie, et tu vas devenir pop. Et là, tu iras dans les églises orthodoxes de Géorgie, et tu t'occuperas de savoir les renseignements dont on a besoin. Voilà. Donc, je joue un colonel qui est pop lui aussi et dont on s'aperçoit quand il enlève sa chasuble qu'il est tatoué et que c'est un malfrat, voilà, de ce type-là. Voilà, des personnages comme ça. Alors, on croit que c'est des personnages différents, mais ils le sont différents, non? Mais oui, ils sont différents, mais c'est le même quand même. Par exemple, à un moment donné, je passe sous un rouleau compresseur. Bon, mes amis voyant ça, voyant que je suis raplati complètement, sont très embêtés, ils sont 4 ou 5, et ils me ramènent chez moi. Et la femme ne veut pas répondre, elle dit « Vous avez qu'à le glisser sous la porte ». Alors, il me glisse sous la porte. Effectivement, on a rarement l'occasion de faire ça en vrai dans la vie. C'est poétique, Mais en réalité, c'est vrai. Il y a des moments, moi, dans ma vie, je me suis retrouvé, ramassé complètement sur le sol. Et ensuite, j'ai revécu une autre vie. Mais à un moment donné, j'étais plat et on pouvait me glisser sous la porte. Est-ce que vous connaissiez Ottar Iuseliani depuis de nombreuses années? Est-ce que vous êtes complice ou... J'avais écrit un bouquin très turbulent. Et un jour, j'ai été voir Ottar. J'ai dit, vous voulez pas monter ça? Parce que... Il a pris le bouquin, puis j'ai plus entendu jamais parler de lui, sauf quand il m'a demandé de jouer le rôle principal de ce film. Mais je le connaissais, parce qu'il avait fait un de mes films préférés qui s'appelle « Il était une fois un merle siffleur ». Bon, ça, c'est un film des années 70 qui est un vrai délice, lui aussi. C'est un film où on voit qu'il aime les gens et qu'il a de l'humour. Vous savez, la plupart des films d'Ottar ont été censurés, parce que il était dans l'Union soviétique, c'était un Géorgien, hein. Donc c'est un des pays satellites de l'Union soviétique, et donc c'était Moscou qui commandait. Donc tous ses premiers films ont été interdits par Moscou. Alors, parce que il faisait pas de films pro-soviétiques. Alors ce qu'il faisait pas non plus, il faisait pas de films anti-soviétiques. Parce que ça, ça les aurait arrangés, ils aiment bien qu'on dise du mal ou du bien, mais qu'on en parle. Non, lui faisait des films asoviétiques. Il disait rien de tout ça, il parlait d'autre chose. Il parlait de la vie, il parlait du contact avec les gens, il parlait du courage de vivre. Et aujourd'hui, ce film parle vraiment du courage de vivre. Il en parle de façon poétique, mais quand je sors de ce film, j'ai envie de retourner le voir. Comme quand on a écouté une belle chanson, on a envie de la réécouter. Voilà. Ce film pourrait être un tube. Pourquoi? Parce qu'il y a des clochards célestes? Pourquoi? Parce qu'on voit des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma? Vous êtes porté par cette poésie de conteur qu'a Ottar Iuseliani de nous transposer comme ça d'une époque à l'autre, de traverser les drames, les guerres, les décapitations, pour arriver à quelque chose où la dureté du monde n'empêche pas l'envie d'aimer son prochain, l'envie de tenter des histoires d'amour et d'amitié. Eh oui, ben vous parlez de guerre. Alors on voit, c'est vrai, il y a des tanks. C'est un film à un gros budget hein, quand même. Hein. Et on voit des tanks. Et qu'est-ce qu'il y a sur les tanks? Des matelas, des horloges. Les mecs ont tout piqué. En fait, c'est des pillards. Ils ont un tank qui coûte un milliard. Et eux, ils volent des trucs à 3 sous parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont au ras du, et j'ai jamais vu dans aucun film de guerre les tanks ornés de couvertures, de matelas, de poupées que les mecs essaient de rapporter pour leur famille, voilà. Et on voit à un moment donné, ils flinguent une famille entière et puis après ils se jettent sur les haricots parce qu'ils ont faim. Et au moins un des soldats, un meurtrier épouvantable, se jeter. On voit qu'il a faim, ce gars. Il a fait ça parce qu'il veut manger. Ottar reste à un niveau très humain. Ce qui me touche beaucoup, c'est que il nous incite à vivre courageusement. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, lui. Hein. Il a 83 ou 85 ans. Il est extrêmement dynamique, il est très vivant, il est très jeune d'esprit, il est très créatif tout le temps. À chaque fois qu'il y a un problème, il trouve les solutions. Il fait des films avec une grande exigence. Et moi, comme acteur, je ne suis même pas rendu compte de ce qui se passait quoi, pendant le tournage du film. Et vous avez expliqué au moins pourquoi ce film étrange, beau et poétique, qui sort la semaine prochaine, qui sort mercredi prochain. Chant d'hiver. Oui, pourquoi ça s'appelle Chant d'hiver? D'abord, il y a toujours des chants chez lui. Hein. Les gens font les choses les plus étranges, puis après se regroupent et chantent. Et ça, c'est, je crois, une tradition géorgienne. Ça, c'est l'identité de ce petit pays. Je ne sais pas si vous connaissez la Géorgie. Elle se trouve entre le Petit Caucase et le Grand Caucase. Alors, au-dessus du Grand Caucase se trouvait l'Union soviétique, la Russie maintenant. Et en dessous se trouvait l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie maintenant. Et entre ce monde musulman et ce monde communiste, il y a un petit pays orthodoxe, très féminin, je trouve, très aristocrate, puisque l'écriture cyrillique, il n'y a que des ronds, il n'y a pas d'angle droit, finalement, dans cet alphabet. il trouve une identité dans certaines saveurs, dans les chants. Il y a ce que Ottavio Celiani a fait tout au long de sa carrière, c'est qu'il a transmis le patrimoine de ce pays, qui aussi a connu des barbares. Hein. Staline était géorgien, Beria, son associé dans l'assassinat, était aussi un géorgien. Donc les géorgiens ont une identité forte, étrange, je dirais, oui, féminine, aristocrate. Voilà, il est resté un aristocrate du cœur. Depuis que vous avez terminé vos études de médecin et que vous avez décidé de tout abandonner pour poursuivre cette voie, vous n'avez jamais cessé de jouer, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il vous arrive de vous arrêter quelques temps. Vous avez l'impression que j'ai joué avec vous depuis le début, là ? Non. Non, je suis intègre, hein, je vous dis vraiment ce que j'ai sur le cœur. Alors, pour ce qui est de la médecine, c'est vrai, vous avez raison. Il y avait beaucoup de cours sur les maladies et zéro cours sur la santé. Ça va changer, hein. Il paraît que maintenant, on va enseigner les jeunes médecins sur qu'est-ce que c'est que la santé et comment la conserver. Alors, si ça avait été le cas il y a 50 ans, je crois que je referais les études de médecine. Mais depuis, vous ne le regrettez pas, non, d'avoir choisi un métier de saltimbanque? Non, parce que finalement, peut-être par le théâtre, on attire une clientèle qui a envie de rire, et peut-être que le rire, c'est la santé. Vous savez, il y a un groupe de clowns qui passent dans les hôpitaux, et ils m'ont dit, un enfant qui rit guérit beaucoup mieux, beaucoup plus vite qu'un enfant qui est triste. Donc, j'avais pas si mal choisi du côté de la santé à cette époque-là. Bah, merci, Refuse, d'être passé ce matin. Allez, générique de fin. Un autre jour possible, une émission de Toufik Hakem tous les matins à 6h, ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou le podcast disponible sur franceculture.fr. Pour vos remarques, suggestions, interrogations, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible a été préparé par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. À la technique, Bernard Laniel. Une réalisation de Thomas Duterre. Vous le faites très bien, Refus. Merci d'être passé ce matin. Bonne journée à vous et j'espère vous retrouver demain à la même heure pour un autre jour est possible.